il m'était formellement interdit d'adresser la parole à qui que ce fût. La ration au début fut celle du soldat aux colonies, sans levain. Je devais faire la cuisine moi-même, faire d'ailleurs tout moi-même. Quant aux lettres, les premières de Lucie Dreyfus envoyées de France ne sont remises à Alfred Dreyfus que le 2 mai 1895, soit près de 2 mois après son arrivée en Guyane. Et encore s'agit-il seulement des lettres qui avaient été adressées à l'île de Ré. Il lui faudra attendre le 12 juin pour avoir enfin des nouvelles des siens dont il était privé depuis son départ de France. Ces lettres auront donc mis plus de 4 mois à lui parvenir. Île du Salut, mercredi 8 mai 1895. Ma chère Lucie, quoique je ne doive remettre cette lettre que le 18, je la commence dès aujourd'hui, tant j'éprouve un besoin invincible de venir causer avec toi. Il me semble, quand je t'écris, que les distances se rapprochent, que je vois devant moi ta figure aimée et qu'il y a quelque chose de toi auprès de moi. C'est une faiblesse, je le sais, car malgré moi, l'écho de mes souffrances vient parfois sous ma plume, et les tiennes sont assez grandes pour que je ne te parle pas encore des miennes. Mais je voudrais bien voir à ma place, philosophe et psychologue, qui dissertent tranquillement au coin de leur feu sur le calme, la sérénité que doit montrer un innocent. Un silence profond règne autour de moi, interrompu seulement par le mugissement de la mer. Et ma pensée, franchissant la distance qui nous sépare, se reporte au milieu de vous, au milieu de tous ceux qui me sont chers, et dont la pensée, certes, doit se diriger souvent aussi vers moi. Fréquemment, je me demande, à telle heure, que fait ma chère Lucie ? Et je t'envoie par la pensée l'écho de mon immense affection. Je ferme alors les yeux, et il me semble voir se profiler ta figure, celle de mes chers enfants. Je n'ai toujours pas de lettre de toi, sauf celle du 16 et 17 février adressée encore à l'île de Ré. Voici donc 3 mois que je suis sans nouvelles de toi, des enfants, de nos familles. Les corps peuvent fléchir sous une telle somme de chagrin, mais les âmes doivent rester fortes et vaillantes pour réagir contre une situation que nous n'avons pas méritée. Quand l'honneur me sera rendu, alors seulement, ma bonne chérie, nous aurons le droit de nous retirer. Nous vivrons pour nous, loin des bruits du monde, nous nous réfugierons dans notre affection mutuelle, dans notre amour grandi par des événements aussi tragiques. Nous nous soutiendrons l'un l'autre pour panser les blessures de nos cœurs. Nous vivrons dans nos enfants auxquels nous consacrerons le restant de nos jours. Nous tâcherons d'en faire des êtres bons, simples, forts physiquement et moralement. Nous élèverons leurs âmes pour qu'ils y trouvent toujours un refuge contre les réalités de la vie. Puisse ce jour arriver bientôt, car nous avons tous payé notre tribut de souffrance sur cette terre. Courage donc, ma chérie, sois forte et vaillante. Poursuis ton œuvre sans faiblesse, avec dignité, mais avec le sentiment de ton droit. Je vais me coucher, fermer les yeux et penser à toi. Bonsoir et 1000 baisers. Dans son journal, Alfred Dreyfus écrit: Nuit de dimanche 14 au lundi 15 avril 1895. Impossible de dormir. Cette cage devant laquelle se promène le surveillant, comme un fantôme qui m'apparaît dans mes rêves, le prurite de toutes les bêtes qui courent sur ma peau, la colère qui gronde dans mon cœur, d'en être là quand on a toujours et partout fait son devoir, tout cela surexcite mes nerfs déjà si ébranlés et chasse le sommeil. Quand passerai-je de nouveau une nuit calme et tranquille? Peut-être pas avant d'être dans la tombe, quand je jouirai du sommeil éternel.

J'essaye de temps à autre de faire de l'anglais, des traductions, de m'oublier dans le travail. Mais mon cerveau, complètement ébranlé, s'y refuse. Au bout d'un quart d'heure, je suis obligé d'y renoncer. Et puis, ce que je trouve d'inouï, d'inhumain, c'est qu'on intercepte toute ma correspondance. Qu'on prenne toutes les précautions possibles et imaginables pour empêcher toute évasion, je le conçois. C'est le droit, je dirais même le devoir strict de l'administration. Mais qu'on m'enterre vivant dans un tombeau, qu'on empêche toute communication, même à lettre ouverte avec ma famille, c'est contraire à toute justice. On se croirait volontiers rejeté de quelques siècles en arrière. Voilà 6 mois que je suis au secret, sans pouvoir aider à me faire rendre mon honneur. « 18 mai 1895. Mon bon Fred chéri, comme te le disent mes parents, nos frères et sœurs, nous te demandons, nous te supplions, mon cher Alfred, d'avoir du courage. Il faut que tu assistes avec nous à ta réhabilitation. Il faut que tu sois vivant et bien portant pour jouir de ton bonheur. Il faut que tu vois la vérité éclater et qu'après tes horribles souffrances, tu saches enfin quel est le misérable qui t'a ainsi martyrisé. Nous sommes pleins d'espoir, mon chéri. Fais comme nous et fie-toi à nous. Les jours s'écoulent pour nous dans l'impatience la plus grande, dans une très vive anxiété. J'ai demandé hier au commandant des îles une ou deux assiettes de n'importe quoi. Il m'a répondu qu'il n'en possédait pas. Je suis obligé de m'ingénier pour manger soit sur du papier, soit sur de vieilles plaques de tôle ramassées dans l'île. Ce que je mange ainsi de malpropreté est inimaginable. Et je résiste toujours, envers et contre tout, pour ma femme, pour mes enfants, et toujours seul, vivant replié sur moi-même, avec mes pensées. Quel martyr pour un innocent, plus grand certes que celui d'aucun martyr de la chrétienté. Paris, dimanche 21 juillet 1895. Mon Fred chéri, aujourd'hui, le temps était à la pluie, je n'ai pas eu à me soucier de la promenade des enfants. Aussi ai-je passé mon après-midi entière à lire les lettres que tu m'as écrites depuis notre affreux malheur. Mon émotion était immense. Cette lecture me faisait revivre heure par heure les crises poignantes par lesquelles nous avons passé. Enfin, tout cela est fini. N'en parlons plus. Je suis parfaitement calme et pleine de confiance. J'aperçois le bonheur. Île du Salut, 27 septembre 1895. Ma chère Lucie, depuis près d'un an, je lutte avec ma conscience contre la fatalité la plus inexplicable qui puisse s'acharner après un homme. Parfois, je suis tellement harassée, tellement dégoûté que je suis comme le soldat qui, épuisé par de longues fatigues, s'étend au revers d'un fossé, préférant en finir là avec la vie. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus, Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Aujourd'hui, le bagne. Avec Jean-Gabriel Nordman, Alfred Dreyfus, Geneviève Mnich, Lucie Dreyfus, Marina Moncade, la narratrice. Réalisation Nadège Antonini, Bruno Mourlan, Jean-Louis Deloncle, Annabelle Brouard, Étienne Vallès. La correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus est publiée aux éditions Mille et Une Nuits. Les mémoires et le journal de captivité de Dreyfus, 5 années de ma vie, sont publiés aux éditions de La Différence.